Je faisais le malin, mais ma tête joue de moi. Je regarde mes mains, mais elles ne sont pas normales, je crois. Est-ce que je deviens fou? Où est ma force? Je suis à bout. Ça y est, je l'avoue, sous le plancher vous trouverez tout. J'ai tué ce vieillard qui jouait de mes nerfs, qui riait de mes vers, jouait de ma colère. Aidez-moi. Ah. Je croyais gérer ça, mais la chance s'en va. Mais désespéré ou mauvais chemin, je me suis perdu trop loin. Me voyez-vous à genoux? Ma tête va exploser, j'avoue tout. Ça y est, je renonce, tuez-moi, je ne vous donnerai aucune réponse. J'ai tué ma raison qui jouait de mes pensées, jouait depuis tant d'années et me rend fou allié. Ah, yeah.